Tes jolies chaussons roses n'ont pas l'air torturées par tes mouvements grandioses. Ma danseuse de ballet, ballerine qui s'échine sur un brillant parquet qu'une pointe déchire au point de l'écailler. Qu'on t'enveloppe dans du blanc, du bleu, du brun, du rose, tu fais valser le tulle comme une tulipe éclose. Et c'est toi le nom de grand que la grâce qu'elles épousent parfois en découvrant aux poitrines trop douces. Et je l'avoue, j'imagine que malgré ce chagal, dans le noir tu devines qu'il y a mon cœur loyal. Et je rêve qu'un de ces soirs sur la place des Vosges, on discutera déjà de petits ou d'autres choses. J'imagine qu'au réveil, quand tu étends le bras, un rayon de soleil semble inviter chez toi. Et qu'en un coup de peigne, tu remets bien en place le chignon, ce diadème qui range ta tignasse. Dans tes tristes blessures physiques ou bien mentales, repose-toi dans mes bras, dis s'ils sont à ta taille. Ma danseuse, mon étoile, redeviens un peu